Chapitre 298. La réprobation de se laver les parties et de se toucher le sexe avec la main droite, sauf en cas de nécessité. 1648. D'après Abu Qatada, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsque l'un d'entre vous urine, qu'il ne touche pas son sexe de la main droite et qu'il ne nettoie pas ses parties de la main droite, et en buvant, qu'il ne respire pas dans le récipient. Al-Bukhari et Muslim.